De temps en temps, un élève se mêle. Je marche sur mon passé, ici colle à ma semaine. Je ne compte plus les larmes qui s'écoulent à la semaine. Dans mon esprit, des souvenirs crus à ma semaine. De temps en temps, un élève se mêle. Je marche sur mon passé, ici colle à ma semaine. Je ne compte plus les larmes qui s'écoulent à la semaine. Dans mon esprit, des souvenirs crus à ma semaine. De temps en temps, l'origine remonte à la surface. Pour oublier d'où je viens, faudrait qu'un jour ou l'autre je me surpasse. Que je me surprenne à oublier la haine suprême. Que je ne me souvienne pas des vieux plans qui nous entraînent. Loin de tout et nous laissent tomber sous les promesses. On croit puis nos bras baissent, le diable a fait des prouesses. Je dis pas que c'est chaud au point d'être insurmontable. Mais la haine et l'offre se mêlent au point d'être inséparable. J'ai beau faire voyager mon esprit et tenter de partir. Le passé nous rattrape et nous force à tenter le martyr. 21 ans, rien de concret, je crois que j'ai dépassé. La rue, un charognard qui attend de te dépecer. Je suis pas de ceux qui disent merde, moi je la kiffe ma rue. Si je dois représenter quelqu'un, je préfère le disparu. Ceux qui ont pas eu le choix et ceux qui se sont trompés. Ceux qu'on oublie des fois, c'est soir d'embrouille pour aller se taper. De temps en temps, un élève se mêle. Je marche sur mon passé, ici colle à ma semelle. Je ne compte plus les larmes qui s'écoulent à la semelle. Dans mon esprit, des souvenirs crus à ma semelle. De temps en temps, un élève se mêle. Je marche sur mon passé, ici colle à ma semelle. Je ne compte plus les larmes qui s'écoulent à la semelle. Dans mon esprit, des souvenirs crus à ma semelle. De temps en temps, on fait ressurgir des images, enfouies au plus profond de nos mémoires et nos visages. Laisse apparaître des larmes qui nous perdent le long des joues. Que veux-tu, le monde est fou, ça je l'ai su au long des jours. J'ai su aussi que jamais je partirais totalement dissidé. Accro à la rue comme un pauvre à la mendicité. J'ai vu d'où je venais, j'ai alors su où je voulais aller. Quitter ce monde de merde, car dans les rues je veux pas m'installer. Je veux pas compter les jours comme tu comptes ceux qui te restent en shit. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent des halls, mais ceux qui restent en shit. Demande à qui tu veux, je viens de là où tu commandes pas. La rue c'est pas la jungle, mais on survit comme dans Koh-Lanta. Tous ces souvenirs ça reste grave et ça s'amasse même. Je marche sur le passé, celui-ci se colle à ma semelle. Je suis le premier qui voudrait partir mais qui y arrive pas. Les autres s'étonnent et se disent meuf quartier pourquoi tu le kiffes pas. De temps en temps un élève se mêle. Je marche sur mon passé, ici colle à ma semelle. Je ne compte plus les larmes qui s'écoulent à la semelle. Dans mon esprit des souvenirs crus à ma semelle. De temps en temps un élève se mêle. Je marche sur mon passé, ici colle à ma semelle. Je ne compte plus les larmes qui s'écoulent à la semelle. Dans mon esprit des souvenirs crus à ma semelle. De temps en temps, l'atmosphère est étouffante. On parle de mon avenir et mes réponses sont déroutantes. Je sais pas si j'ai plus de vice ou de vie en moi. L'embrouille c'est pas mon truc, mais dès qu'il y en a, j'en suis friand quoi. J'espère ne plus avoir le choix entre le bon et le mal. J'espère ne plus savoir ce que c'est la rue et me faire la mal. La maladie de street est en nous depuis la naissance. On arrive tous avec la haine, c'est vrai quand j'y pense. De temps en temps, on est love, se mêle. Ça reste collé à ma semelle. Au fil et long des semaines. De temps en temps, un élève se mêle. Je marche sur mon passé, ici colle à ma semelle. Je ne compte plus les larmes qui s'écoulent à la semelle. Dans mon esprit, des